Chapitre 16. Vous ici, Morton ? S'écria Miss Blake en voyant son neveu. Oui, moi-même. Comment allez-vous, sœur Nathaniel ? Du moment que vous veniez à Highley, il n'est pas douteux pour moi que Lady Reddon recevrait votre visite. Je croyais que vous passeriez le reste de la journée avec votre fiancé. Vers 4 heures, la visite des serres étant terminée, après avoir accompagné Dulcie à sa voiture, j'ai pris la direction de Highley, voulant parler en particulier à sœur Nathaniel. Je devine le sujet qui vous amène, mon ami, et vous pourrez, je vous assure, vous en ouvrir en ma présence, car il est pour moi, comme pour vous, du plus haut intérêt. D'où vient, juste ciel, que vous ne vous fiez plus en moi? Ah, il est des moments où je n'ose plus m'épancher avec personne. L'idée de cette supplique me poursuit jour et nuit. Pourquoi vouloir épargner au meurtrier de mon père le châtiment d'un tel crime? Parce que c'est un vieillard, balbutia sœur Nathaniel. Est-ce une raison suffisante? La miséricorde divine, dans son infinie bonté, peut seule pardonner aux criminels par-delà la tombe, mais la justice humaine exige qu'il soit puni ici-bas. Je désire savoir si c'est vous qui avez pris l'initiative de la requête, sœur Nathaniel. Non, ce n'est pas moi, mais sœur Everard Courtenay. Je n'en suis pas surpris. Dès le début de l'affaire, il a montré une grande indulgence envers le meurtrier. Vous savez qu'on recule chaque jour davantage devant l'exécution d'un criminel. Ce que je sais aussi, c'est qu'on ne recule pas de même devant le crime, dit Morton d'un air sombre. À quoi donc croyez-vous que l'avocat ait voulu faire allusion lorsqu'il a adressé à sœur Everard certaines questions au sujet de Lady Courtenay? Sœur Nathaniel regarda Morton d'un air troublé, en paraissant hésiter à répondre. Allons, sœur Nathaniel, je fais appel à votre franchise, à l'ancienne amitié qui vous unissait à mon père. On ne pouvait le connaître sans être son ami. Eh bien, il n'en résulte pas moins des insinuations de l'avocat que mon père devait avoir un ennemi, et que cet ennemi n'était autre que sœur Everard Courtenay. Au nom du ciel, ne me cachez rien de ce que vous savez. Mon père, m'a-t-on dit, était un adorateur de Lady Courtenay avant son mariage. Sœur Everard lui-même en a convenu. Ne couvait-il pas au fond du cœur la passion de la jalousie? N'a-t-il pas eu quelque motif de ressentiment? Lady Courtenay était une femme d'une conduite irréprochable, répondit sœur Nathaniel avec fermeté. Mais alors à quoi l'avocat voulait-il faire allusion? Je disais tout à l'heure à votre tante que le jour de la chasse, il m'avait paru que ce pauvre Blake et sœur Everard s'évitaient mutuellement. Mais ce n'était peut-être là qu'une de ces idées comme on s'en forge quelquefois sans que rien les justifie. C'est possible, et pourtant c'est un fait à observer. Morton, s'écria Miss Blake en jetant à son neveu un regard suppliant, pour Dulcie, pour vous-même, ne vous appesantissez pas de grâce sur un fait qui n'a peut-être jamais existé que dans l'imagination de sœur Nathaniel. Sœur Everard est au-dessus de tout soupçon. D'où vient son acharnement à épargner les jours d'un meurtrier? Par humanité, voilà sa seule raison et c'est assez. Je ne suis pas évidemment de bon temps, repartit Morton, car ce sentiment me fait absolument défaut à l'endroit de l'assassin de mon père. Sœur Nathaniel s'est expliquée très nettement sur le compte de Lady Courtenay. J'espère maintenant que ma tante voudra bien exprimer son opinion avec la même sincérité et nous dire si elle croit qu'il n'y ait jamais eu, dans les relations de mon père avec Lady Courtenay, quelque chose qui ait pu troubler le repos de sœur Everard. Jamais. S'il en est ainsi, je ne dois faire aucun fond sur les insinuations de M. Templin. Aucun. Ah, je respire enfin. Sans doute, je n'aurais pas pris ainsi au sérieux les assertions d'un orateur de cabaret si la fille de Vargas n'était venue protester de l'innocence de son père avec tant de chaleur. Toute fille ferait de même, reprit Miss Blake. Jeb ayant trouvé là une occasion de discourir n'y pouvait pas manquer. C'est vrai. Et le cavalier dont il a parlé n'est peut-être après tout qu'un cavalier fantastique, qui n'a jamais existé que dans son imagination. Ah, ma chère, ma bien-aimée Dulcie, comme j'ai dû vous paraître froid et indifférent tout à l'heure. Combien il me tarde de réparer mes torts et de vous renouveler l'assurance de mon amour. Adieu, sœur Nathaniel, adieu, ma tante. Je pars de ce pas pour Fairview. Morton ne fut pas plutôt dehors que ses idées se portèrent de nouveau sur le soupçon qui avait un instant torturé son cœur. Non, dit-il, comme s'il eût été résolu à chasser à jamais cette poignante obsession. Non, mon père était trop loyal, trop honnête homme, pour se rendre coupable d'une telle trahison.